sais comment, je ne sais, on fait pour être maman, alors je fais, Toi tu dessines un monde de ta place, toutes les lignes se fondent mais tu traces. Je manque de temps pour apprendre, tu files et tu passes. Tout à coup tu m'aides à fondre ma glace. Toi tu donnes et tu prends sans compter. Tu regardes, tu apprends sans goûter. Tu grandis jusqu'au ciel. Tu l'embrasses. Il y a des étincelles. Là que tu fasses. Tu pousses les murs, tu sais faire de l'espace. Tu te remplis du temps. Et chacun de tes pas. Petite femme, dans la tempête et les flammes, tu es solide. Tu fais basculer la nuit et chasser la pluie. Toi, mon amour, tu devras aussi en toi garder une place pour moi. L'amour, il y a l'amour.